écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous écoutez Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com. Moi, je m'appelle Mathieu et comme à chaque semaine, je vais faire jouer du punk, ska et du hardcore tout en français pendant une heure. Alors, on a commencé l'émission cette semaine avec le groupe Sida, le groupe lyonnais qui a sorti un album éponyme pas trop longtemps. L'album s'appelle Qu'est-ce qui t'a pris? Pardon, l'album est éponyme, le morceau que je viens de faire jouer il s'appelle Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai une bonne émission cette semaine. Je vais faire jouer pas trop de choses super spéciales, mais ça sera quand même la programmation de qualité. On va continuer avec le groupe, un groupe de Paris, le groupe Enfance Sauvage de leur album Je suis un village la nuit. Je vais faire jouer le morceau Première lunette. Alors restez à l'écoute, ça va être une bonne émission. Voici du Enfance Sauvage. C'était Aube avec le morceau Pied de momie tiré de leur plus récent démo sorti l'année passée, en 2016. Dilithosk avant ça avec Brest, ce morceau-là tiré de leur split avec le groupe Syndrome 81. Les erreurs avant ça avec Omeo. Avant ça, on a écouté du Complications de leur nouvel album. C'était le morceau N'importe quel soir. Et on a commencé le bloc avec le groupe Enfance Sauvage et leur morceau Première Lunette. On va continuer maintenant avec du bon vivant. Je vais jouer un morceau tiré de leur split avec le groupe Snacks, le groupe de London en Ontario. Le split est sorti en 2015. Voici Fille du Calvaire par Bon Vivant. Liberté. Quand même, en tout cas. je vous rappelle que vous pouvez checker souspressionpunk.com si vous écoutez à partir de la radio, CHU à Ottawa, CVR à Yellowknife ou CFRT à IKL8, le site web, l'émission un site web, souspressionpunk.com. Et bien sûr, si vous écoutez à partir du site web et vous êtes un jour sur la route à Ottawa, Yellowknife ou IKL8, vous pouvez aussi écouter à partir de ces stations de radio-là. On a une page Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous savez quoi faire. Cliquez j'aime et vous allez suivre l'émission. Et bien sûr, envoyez-moi un message plus en direct, directement par courriel info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Alors là, on est rendu au point de l'émission où il y a le bloc sono mondial. Cette semaine, je vais faire jouer deux chansons par un groupe du New York, le groupe Exotica. On a sorti un EP, il s'appelle Musique Exotique numéro 1. Je vais faire jouer deux morceaux de leur EP, le morceau Pesadilla et Depression. Je vais faire jouer du Exotica parce que le groupe sera à Montréal très bientôt, la semaine prochaine. À la fin de cette semaine-ci, mon calendrier, il va falloir que je le mette à jour. Ils vont faire un concert à Montréal dans le cadre du festival Not Your Babe. C'est un festival organisé par le Montréal Sisterhood. C'est organisé dans le cadre de la Journée internationale des femmes, qui est bien sûr le 8 mars, mais le festival se passe du 3 au 5 mars. C'est un festival DIY monté exclusivement par des femmes afin de promouvoir le féminisme et l'antifascisme dans la scène punk. Ça a l'air d'un festival assez intéressant. Il va y avoir des activités culturelles comme des concerts. Il va bien sûr avoir des concerts. Il va y avoir des ateliers comme des ateliers d'autodéfense, plein de stuff. Il va y avoir deux soirées de concerts, une soirée post-punk vendredi, ce vendredi-ci, le 3 mars, avec Boot Black de New York, Sad, Gashrat, Madame et... j'ai tout écrit là. Butcher Baby. Excuse, je peux même pas lire ma propre écriture. Après ça, le samedi, il va y avoir Exotica de New York, que vous allez entendre dans un instant, et aussi les groupes Cell, Odd, Terse et Mauvaise Conduite. Alors, un peu pour vous donner le goût de ce qui va se passer, je vais faire jouer deux morceaux d'Exotica, le morceau Pesadilla et Depression. Alors, voici Exotica à sous pression. We'll be right back. C'était Pesadilla et Depression par Exotica. On continue maintenant avec Choisir sa vie par Bricks and Cats. Yeah. les pains, aller à l'école, aller à l'école. Quand j'étais petite, je ne voulais pas aller à l'école, aller à l'école. Quand j'étais plus grande, je ne voulais pas aller au travail, aller au travail. Quand j'étais plus grande, je ne voulais pas aller au travail, aller au travail. Quand j'étais petite, je ne voulais pas aller à l'école, aller à l'école. Quand j'étais petite, je ne voulais pas aller à l'école, aller à l'école. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Barbie Genocide avec le morceau Émeute, du Psycho Squat avant ça, le morceau Ce Soir-là de leur EP Liberté, Précarité, Fraternité. Avant ça, on a écouté un morceau de La Société et la Mauvaise Haleine. C'était Personne est illégale. Les Ordures Ioniques avant ça avec Mon Amant Silencieux, tiré de leur premier album, Je m'en viens sous. Du Macache avant ça avec Enfante, Les Vieilles Salopes avec Je ne voulais pas, The Horny Bitches avec une reprise de Les Shérifs avec leur morceau Arrête de bitcher de la compilation Génération Shérif, Jeunesse Abattrée d'avant ça avec Silence de mort de leur album Jusqu'au bout, et on a commencé le bloc avec Brixton Cats de l'album Quartier Maudit, c'était le morceau Choisir sa vie. Alors je vais vous laisser avec un dernier morceau d'Action Sédition, je vais jouer le premier morceau de leur premier album, l'album s'appelle Rapport de Force, le morceau s'appelle Sœur d'Armes. Alors checkez ça, passez une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine et comme à toutes les semaines, prenez soin de vous. Ou celles qui doivent faire le trottoir pour survivre. Ceci ne constitue que la pointe de l'iceberg. L'ensemble du genre féminin est constamment diminué, et ce, dans toutes les sphères de la société. On y socialise ainsi, les femmes doivent être sensibles, responsables, et ne doivent constituer que l'ombre des hommes. Il est temps que ça cesse, le combat de nos sœurs d'armes est un bon pas en avant.